Bon midi, CKRL, dimanche le 7 août, Mélanie Fleurant à la barre des différents pour vous. Ce midi, j'ai un sujet que je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière, et puis en fait, le sujet, c'est les transgenres. J'avais envie d'aborder ce sujet-là aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous autour de ce qu'on peut entendre au niveau des transgenres. Il y a beaucoup de préjugés. Et puis, ce qui est intéressant à ce niveau-là d'aborder le sujet, c'est que, comment je peux expliquer, les gens ont des préjugés, oui, mais ont aussi leur idée préconçue, tout ça. Puis, j'aimerais ça aujourd'hui démystifier ce sujet-là. Et puis, je vais avoir des invités un petit peu plus tard dans l'émission parce que ça arrive des fois à Québec, il y a du trafic. Donc, je vais les recevoir un petit peu plus tard, dans quelques minutes en fait. Et puis, j'ai envie de parler avec elles, ces deux femmes qui viennent me voir. Il y a Danielle que vous avez peut-être déjà vu au niveau de avec l'émission « Je suis trans » sur Moi et compagnie. Danielle s'occupe beaucoup au niveau de l'ATQ, qui est l'aide des transgenres aux transgenres du Québec. Et puis, ça a été fondé quand même. Ce que je savais pas, c'est que cette association-là a été fondée en 1980. Donc, ça, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Et même au-delà de la fondation, ça a toujours existé. Être né dans un corps qui est pas le sien, qui est pas l'identité, en fait, qu'on a. Imaginez-vous demain matin, vous vous réveillez dans le corps du sexe opposé. Comment vous vous sentiriez, bien franchement, comment vous vous sentiriez? Quand on se pose cette question-là, c'est là qu'on peut peut-être rentrer un petit peu plus dans le sujet et se dire, ben pourquoi qu'il y a des jugements au travers ça quand la personne, elle est dans sa tête, elle est dans son esprit, si on veut, de sexe féminin, puis naît avec un sexe masculin. Donc, c'est intéressant de voir sous cet angle-là. Après ça, écoutez, c'est sûr et certain, si on se fie à l'OMS, qui est de l'Organisation mondiale de la santé, selon eux, encore en 2016, ce serait encore une maladie mentale, ce serait un trouble du comportement aussi. Ça tend à changer. Ça tend à changer. Et puis, c'est ça qui est important aussi de dénoncer, de dire, ben écoutez, là, on n'est pas dans une maladie mentale, on n'est pas là. Donc, c'est ces préjugés-là aujourd'hui que j'aimerais aborder. Ce qu'on va faire, on va aller en pause, on va attendre nos invités. Je veux pas leur mettre de pression parce que probablement qu'ils nous écoutent en ondes. Ils sont dans le trafic, puis ils doivent paniquer. Donc, on les stressera pas. On va aller écouter Alexandre Desilets avec « Ils s'aiment ». On l'aime Pierre Lapointe, mais on aime encore plus recevoir nos invités. J'ai avec moi, j'ai Danielle de l'ATQ que j'ai parlé tantôt. Bonjour Danielle. Bonjour. Et puis j'ai Roxane aussi qui est invitée. Bonjour aussi. Bonjour. Roxane. Merci tout d'abord, merci d'être présente à l'émission. Là, je suis vraiment touchée que vous vouliez parler du sujet parce que moi ça me touche, ça me tient à cœur ce sujet-là. J'ai pas personne autour de moi de transgenre, puis des fois on peut aussi ne pas le savoir. Et puis, comment je peux dire ça? C'est de quoi que, aussitôt qu'il y a un préjugé, je vous ai dit hors d'onde quand vous êtes arrivé, tous les tabous, moi, les préjugés, je déteste ça. Donc, je vous veux ici. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est en commençant, Daniel? Mais en fait, pour nous-mêmes, la définition transgenre, il n'y a personne qui est d'accord sur la bonne définition de transgenre. Moi, je me considère pas comme transgenre. Mm-hmm. Si on regarde le terme de base, c'est un terme américain, anglophone, qui était un terme parapluie pour regrouper toutes les personnes hors normes au niveau du genre. Les filles masculines, les gars féminins, les drag queens, les travestis, les transsexuels, les personnes qui étaient fluides. Mais ça, c'est un nouveau terme aussi, gender fluid. Il y a beaucoup de termes maintenant, là. Un peu trop, peut-être même. Et bon, pour une personne qui se sent intensément de l'autre sexe, mm-hmm, et qui désire le vivre à temps plein, et qui, pour certaines et plusieurs même, désire aller jusqu'à l'opération, mm-hmm, c'est transsexuel qu'on dit plus. Une personne transgenre, ça peut regrouper... Il faut vraiment demander à la personne quelle étiquette qu'on lui donne? Parce que c'est plate, on a toutes des étiquettes à quelque part. On en a toutes, on s'en sort pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a une personne qui va se dire transgenre, qui est dans la même situation que moi. Il y en a une autre qui va se dire gender fluid. Ça, c'est gender fluid, c'est un peu... c'est quoi ce terme-là? C'est un peu comme la personne file entre les deux. Un jour, ça, elle va filer peut-être pour être fille, l'autre jour, elle va filer peut-être pour être gars. Okay. J'ai une amie que je connais qui était considérée, qui se considérait comme transsexuelle. Elle s'est fait opérer. Mm-hmm. Et aujourd'hui, elle peut vivre 6 mois en gars, elle peut vivre 6 mois en fille, mais ça, c'est rare. Les personnes qui se font opérer, qui sont gender fluid, c'est pas mal rare. OK. Pour elle, au début, c'était pas nécessaire l'opération. OK. Et c'est ça. Tandis, parce que c'est pas nécessairement, là, on va quasiment direct dans le sujet, là, il n'y a pas d'opération nécessaire. C'est le genre, c'est auquel on s'identifie, genre masculin ou genre féminin. C'est ça. Donc, il y en a qui disent, moi j'ai entendu, pour moi ça c'est pas une femme, elle a encore le sexe masculin. Donc pour moi, ça là c'est des préjugés dans le fond. Ouais. C'est carrément des préjugés parce que la personne est féminine. À l'intérieur d'elle, là. Oui. C'est son âme, là, dans le fond. C'est l'esprit qui est féminin. Il y a juste la personne qui va au lit avec moi qui va le savoir, là. C'est ça. Parce que c'est-tu de tes affaires à la fille qui travaille à l'épicerie ou quelque chose comme ça? C'est pas de ses affaires de savoir ce que j'ai entre les jambes. Tu sais, se faire demander... ta propre meilleure amie te demandera pas la longueur de ton clitoris ou la profondeur de ton vagin. Nous autres, regarde, tu nous connais pas, puis tu nous demandes, t'es-tu opéré? Mm-hmm. C'est-tu fonctionnel? T'as-tu des vrais seins? Ça se demande pas. T'es-tu des vrais seins? Hey boy, on est rendu là. Oh oui. OK, on a encore pas mal de sujets. Mais moi, là, je vous ai pour... là, je vous ai juste pour 45 minutes aujourd'hui. C'est sûr que je vais vous réinviter, là. On part déjà dans les gros sujets, là, mais j'ai tellement de questions parce que, comme je disais... de ton côté, Roxane, toi, Daniel m'a expliqué un petit peu la transition s'est faite pendant la période de travail, si je me trompe pas. Oui, justement, quand je savais là, c'est déjà 10 ans que j'ai fait ma transition. Et puis, j'ai travaillé dans un autre hôpital, j'ai été transféré parce que j'ai un poste ailleurs. Mais quand je suis arrivé là, ma transition était déjà commencée tranquillement. J'avais déjà les cheveux longs, presque plus de barbe. Ma barbe était faite au laser. Mm-hmm. Et puis, c'est sûr que le monde se posait certaines questions parce que, bon, j'avais une allure féminine. Hein? Alors, j'ai pas vraiment pas eu le choix de le dire. Puis ça, là, je le dis. Et puis, c'est sûr qu'au début, ça a été un peu chaotique, comme on peut dire, parce que j'ai eu des préjugés. Hein, tu sais, je travaille dans un monde de femmes, et puis ils voient un homme arriver qui est plus féminine qu'une vraie femme, et puis alors je suis comme un peu partie en burn-out pendant quelques mois pour remettre les réponses aux questions. Puis avant de recommencer au travail, ben là, c'est là que j'ai rencontré mes boss, puis j'ai mis les cartes sur la table. Puis on m'appelle Roxane, je suis femme, et ce que je veux, tout simplement, c'est d'être respectée en tant qu'être humain. Je pense que c'est pas mal tout le monde ce qu'on souhaite, hein, être respecté à la base. Donc, si on part là-dessus, pas mal mieux. Hein? Dans notre propre communauté, il y a des préjugés aussi entre nous autres. Là. J'ai été dans les premières, la première à dire je veux pas me faire opérer, puis ne pas cacher justement que moi je veux pas me faire opérer, je suis bien comme ça. J'ai vécu beaucoup de préjugés. Là, ça a évolué dans les dernières 10 ans. Là, maintenant, il y en a plein d'autres qui le disent, mais regarde, les lois changent aussi. Ça fait du bien parce que ça doit pas être une obligation, l'opération. Non, c'est ça. C'est ce que là, c'est avec tout ce qu'on entend, mettons, l'émission comme je parlais tantôt, Je suis trans. Où est-ce que là on parlait de la chirurgie? On parle aussi, il y a d'autres émissions, il y en a une même, j'ai son nom avec moi, l'amoureuse de Cœur de pirate, Laura Jane Grace, qui a une web-série aussi, True Trans, sur le web, rencontre des gens, il y en a qui font des levées de fonds, au travers des États-Unis, elle rencontre des gens qui veulent changer de sexe complètement, eux autres, dans leur cas, font des levées de fonds, tout ça, on dirait que ça promouvoit qu'il faut absolument changer carrément. Là. Tu sais, t'es une femme, il va falloir que tu fasses l'opération. C'est des préjugés. Pour une certaine partie de la communauté, t'es pas une vraie si tu te fais pas opérer. OK. C'est ça que je me faisais dire au début, beaucoup. OK, puis on voit comment t'es impliquée aujourd'hui, je pense ouais, que... Oui, bien, je m'implique pour celles qui sont opérées aussi, puis celles qui vont se faire opérer, tu sais, j'ai été rencontrer les psychologues, pas les psychologues, mais les chirurgiens à Montréal avant que le gouvernement recommence à payer au partenariat public-privé. Oui. Pour voir comment avancer ça. J'avais été aussi au gouvernement au niveau de la santé pour... Ils nous ont conseillé, moi et la fondatrice, je veux dire, ils nous ont demandé conseil, comment qu'on devrait procéder. Tu sais, si je me foutrais de celles qui se font opérer, j'aurais pas fait ça, là. Mm-hmm. Moi, c'est pour toutes les personnes trans que je suis impliqué, pas juste pour une catégorie, là. Mm-hmm. Puis, si on va au départ, comment... la découverte, si on peut appeler ça de même, même si j'imagine vous le savez déjà à l'intérieur de vous autres depuis tout le temps, comment on passe du fait que, ben, tu sais, si on va direct dans le sujet, dans le sens où est-ce que, comment est-ce qu'on le découvre, si je peux dire ça de même. Je marche sur des œufs, là, mais je veux tellement pas. T'es pas avec les personnes. Nous deux, tu sais. Tu peux nous parler sans problème. On est très ouverts. Super. On n'est pas susceptibles. Ben, c'est le genre d'invité que je veux. Mais comment on découvre? Comment on fait comme... Ben, gars, moi, là, finalement, je me rends compte que je suis pas... Gars, je suis pas folle, là. C'est mon corps n'est pas le bon. Ça s'est fait comment dans vos cas? Ben, moi, je depuis ma naissance que je le sais, là. C'est bon. Là, j'ai 50 ans aujourd'hui. C'est que si on recule sur le 50 ans, c'était pas ouvert comme aujourd'hui. Puis je viens de la campagne où c'est que 2000 habitants. T'es dans une petite famille réservée. C'est le standard, là. C'est que quand tu te découvres vers l'âge de 5 ans que tu te sens pas comme tout le monde, là, tu te dis, ben, je suis complètement folle dans la tête, ça va pas, là. C'est tout le monde te dit, ah, oh, mais t'es homosexuel. J'étais un peu comme la tapette du village parce que j'étais efféminée, tout ça. Mais moi, je ne comprenais pas quand t'es jeune, mais c'est au fur et à mesure que tu découvres des choses que là, là tu découvres, comme moi, j'ai découvert mon idole Gilda à TV, je dis, ben, je dois être comme elle. Alors, c'était comme un exemple pour sortir de ma souffrance, c'est que... Ben, Gilda, c'était le personnage qu'on voyait le ben, plus. Ben, justement, là, c'est ça. Fait que, bon, ben, tranquillement, tu te renfermes dans ta petite bulle d'enfance, tu fais ta propre petite coquille, ton rêve à toi. Et puis là, ben moi, c'était dans ma tête, dès que j'aurai l'âge de 16 ans, mais je vais m'en aller en ville. Si je dois vivre ma vie, je suis plus capable de vivre en campagne. Tu sais, t'as un moule en campagne. La société, c'est ça. Tout ceci. Alors, à l'âge de 16 ans, ben je suis née étudiée ici à Québec. Et puis c'est là que j'ai commencé à fréquenter les bars gays. Alors, c'est là que j'ai découvert le monde des travestis. Mm-hmm. Alors, c'est comme ça a commencé. C'est parce que moi, j'ai été travesti pendant 20 ans dans la communauté et j'ai eu une très belle carrière. Et puis, ça m'a permis de sortir le personnage qui vivait en dedans de moi, la femme que j'étais. Mm-hmm. Mais au bout de 15 ans, à force de se déguiser, comme on peut dire, c'est en femme. Alors là, il manquait quelque chose. Là, tu découvres que c'est plus fort que toi. Il faut que celle qui est dans toi a besoin de sortir plus que la travestie. Mm-hmm. Alors, c'est là que j'ai découvert que j'étais vraiment femme à l'intérieur de moi. Puis, c'est là que j'ai commencé les démarches pour devenir transsexuelle. Puis, on réalise ça. On a un choc où on fait comme, ben, gars, je le savais. Puis ben, je me c'est avant d'arriver là, j'ai je eu me trois... Je me complimenterie, là. J'ai eu trois tentatives de suicide à mon chevet. Alors, c'est... Puis, bon, ben, pour essayer de me comprendre, ça a pris le septième médecin pour qu'il dise, oui, je te comprends, je vais te prendre comme... patiente, puis je ne connais rien dans ce monde-là, mais je vais t'aider à pouvoir poursuivre ce que ton... Ça veut dire qu'il y en a six autres que ça a passé. Ils ferment les portes là. Complètement, parce que quand tu leur dis le monde des transsexuels, c'est comme une tempête pour eux autres, ils veulent rien savoir. Là. Ils pèlent ça dans le cours du voisin. C'est ça, justement, parce qu'ils disent comme une malade mentale ou bien une... Tu sais, c'est dérangé, là, mais pourtant, regarde, non, je suis très saine d'esprit, puis je suis... Alors, ça a pris la 7e médecin. C'est une femme médecin en plus qu'elle m'a pris en charge. Mm-hmm. Et puis, ben moi, j'avais déjà toutes les ressources. J'avais déjà tout préparé mon dossier. C'est que j'ai donné ça. Ben, elle dit, mon Dieu, elle dit, j'ai rien à faire. Ben, j'ai dit, oui, t'as quelque chose à faire. Faut que tu me donnes les prescriptions pour que je puisse rencontrer les psychologues, les psychiatres, puis les médecins pour que je puisse... Oui, parce que ça, c'est important à savoir aussi. Il y a un prérequis là, avant de passer pour les hormones, tout ça. Il y a un prérequis au niveau psychologique. Oui, c'est très important. Puis dans ton cas, toi, Daniel, c'est le déclic? Ben, en fait, moi, j'ai toujours compris que j'étais une personne différente des autres, sans comprendre c'était quoi nécessairement. Je viens de la grosse campagne sur une ferme. Normalement, facile. Normalement, l'identité sexuelle peut se déclarer entre l'âge de 2 et 3 ans, selon les scientifiques. Mais c'est pas tout le monde qui voit clairement tout de suite. De très jeune âge, je fouillais dans le linge de ma mère quand elle était pas là. Une fois, j'ai su dernièrement que une fois j'ai fouillé dans le linge de ma mère, ma sœur m'a vu puis elle a dit je vais le dire à maman, puis ça a l'air que j'ai couru après avec un couteau. Faut pas qu'elle dise. Je me souviens pas du tout de ça, je devais peut-être avoir 4-5 ans. La mémoire sélective, hein. Mais j'avais 4-5 ans là, tu sais. Et il y a beaucoup d'indices quand je repense à mon passé. À l'Halloween, je me déguisais quasiment toujours en fille. Ensuite de ça, à partir de l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à avoir une apparence un peu plus androgyne. Autrement dit, c'était dur à savoir si c'était un gars ou une fille. À 14 ans, il y en a qui ont dit à ma mère, « Vous avez une belle petite fille? » « Non, c'est pas une petite fille, c'est un petit gars. » Fait que les jeunes le voyaient, ça, que j'étais différent des autres, là, parce que je me suis fait écœurer de la troisième année du primaire jusqu'à la fin du secondaire. C'est à partir du moment où je rentrais dans l'autobus le matin jusqu'à temps que j'en sorte le soir. Sacrifice. On passe tout par là. Ouais. Et c'est ça. Je me disais, faut que je déménage en ville, à Montréal. C'est une grosse campagne jusqu'à Montréal, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je découvre. Puis en même temps, m'éloigner de tout le harcèlement que j'ai vécu dans ma jeunesse. Ben ça, quand tu parlais de Gilda tantôt, moi je l'ai vu Gilda à la télévision, mes parents regardaient beaucoup Les Démons du Midi puis tout ça, là. Mais je me suis pas identifié à elle. J'ai fait peut-être pendant un an à temps partiel un peu de show quand je suis arrivé à Montréal. En fait, j'ai commencé par arriver dans le milieu gay. J'ai compris rapidement que j'aimais les hommes. Il y a des indices de ma jeunesse qui pourraient le dire aussi, tu sais. Comme en éducation physique, je pensais vouloir ressembler aux gars, mais en réalité, j'ai désiré. J'étais pas capable de prendre ma douche avec les autres. À la piscine, ça me prenait un chandail. Ça, c'était mon côté identité. Ouais. Et je suis arrivé à Montréal. J'étais allé dans un bar. J'ai rencontré des travestis puis des transsexuels. Ils m'ont dit « Ah, Daniel, tu ferais une belle fille. On va te travestir. » Avec ça, raison. Ouais, merci. Puis on va te travestir, puis tout ça. Puis là, ça a pas pris 6 mois que je sortais plus juste le soir pour le fun, là. Je sortais en plein jour, puis à la fin, j'étais rendu, regarde, je me couchais, je me démaquillais avant de me coucher, puis c'était tout le temps, c'était rendu tout le temps. Fait que là, j'ai c'était informé, j'ai rencontré un spécialiste qui m'a confirmé, oui, t'es bien, bel et bien trans. J'ai commencé ma transition comme ça. J'ai pas rejeté le fait que j'étais trans, là. Ben, c'est comme j'ai eu une petite période travestie tout petite. Puis après ça, j'ai jumpé directement dans trans. Il y en a qui passent de homme à trans sans jamais avoir un milieu. Il y en a qui pensent en premier qu'ils sont gays. Après ça, qui pensent qu'ils sont travestis. Ouais, il y a des étapes, là, on dirait. Après ça, qui pensent qu'ils sont transgenres. Puis là, qui découvrent qu'ils sont transsexuels. Faut pas oublier aussi que l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle n'est pas la même chose. Il y a des femmes transsexuelles comme moi qui sont aux femmes. Il y a des hommes transsexuels, des femmes qui sont devenues femmes, qui sont gays aussi. Il y en a qui sont bisexuels. C'est comme toi. C'est deux, par exemple. C'est l'identité sexuelle, je comprends, c'est une chose. Mais après ça, l'orientation sexuelle, c'est complètement autre chose. Mais là, est-ce que justement le mouvement qu'on entend, le LGBT, LGBT, voyons, merci de m'aider dans le bon ordre parce que j'ai même tout le temps. Faut pas acheter le QII. Non, là, ça, j'ai enlevé ça, là, gare, mêlez-moi pas plus. Mais sinon, qu'on mette lesbienne, gay, homosexuel, transsexuel, transgenre, qu'on met, on dirait là, qu'on veut faire comme une communauté, mais c'est quoi? C'est pas tout pareil. Là, on mêle. Est-ce que ça peut plus mêler les gens de merde? Non, c'est homosexualité. Il y en a qui sont d'accord, mais il y en a qui sont pas d'accord. faut pas oublier que le milieu homosexuel, il y a une grande force de frappe. Je sais pas le pourcentage exact, mais mettons pour 100 personnes, il y a peut-être 20 c'est ça. Non, pour même 1000 personnes, il y a peut-être 200 gays et lesbiennes. Puis une trans. Eh ben oui, c'est pas gros. Fait que c'est ça, c'est on est 0.1% de la population, genre. Fait qu'en fait, on va. Fait on a embarqué parce que c'est la diversité sexuelle. Mais on n'est pas tous d'accord avec ça. Mm-hmm. On veut pas se faire nécessairement dire ben t'es gay. Non, je suis pas gay. Non. Je suis une femme trans-hétérosexuelle. Ah, là, tu viens démêler. Mais non, mais c'est parce que mon identité sexuelle, dans ma tête, je suis une femme. Ça. Même si je suis née avec un corps masculin, je suis une femme. Donc, si je suis avec un homme, je suis une femme hétéro. Ben oui. Mais c'est ça, c'est là où est-ce que je disais, là tu viens démêler, dans le sens où est-ce que les gens qui ont des préjugés, qui ont, là c'est encore pire, là. Là c'est on va prendre une pause. C'est pas important de comprendre, mais d'accepter. Ben, d'accepter, mais de respecter aussi les gens, de respecter dans leur identité, puis, tu sais, comme je dis souvent de mon côté, qu'est-ce que ça t'enlève de plus? Qu'est-ce que ça t'enlève à toi de savoir telle chose de, tu sais, que ce soit une tape sénère ou telle personne, as-tu vu comment est-ce qu'elle est habillée ou telle chose? Mais qu'est-ce que ça t'enlève? Ça, je le dis souvent, puis c'est là où est-ce qu'on se rend compte, mais non, c'est vrai, ça m'enlève rien, ça m'ajoute rien, ça fait rien. Faut pas oublier que, justement, en étant avec le LGB, ben, tu sais, il n'y a pas de subvention pour les T, pour les organismes communautaires et tout ça. Mais il y a une subvention pour les LGBT. Fait que là, vu que le T est rajouté, on peut avoir... Tu sais, comme il y a le bureau de lutte à l'homophobie du ministère de la Justice. Ouais. Ben, si on n'aurait pas été embarqué là-dedans, on n'aurait jamais eu de projet. On n'aurait jamais pu développer de projet. Ça a un côté positif. Ouais. Ouais. On prend une pause. Merci. On va revenir avec aux différents et puis on va continuer la conversation avec Roxane et Daniel. Merci beaucoup. On est de retour à l'émission Les Différents. Je suis toujours en compagnie de Roxane et Daniel. Et puis, on parlait à micro fermé. On est toutes mêlées, mais bon, c'est pas méchant de notre part. On veut comprendre. Puis moi, je veux comprendre. Puis, on parlait de la découverte au niveau de son vrai soi, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on le sait à l'intérieur qu'on est que le physique et l'esprit fonctionnent pas. Là. Il y a de quoi au niveau physique qui a pas fonctionné. Et puis on parlait à micro fermé de comment ça se passe la première sortie, le avant. Dire, là, OK, moi, je vais mettre ces vêtements-là. On m'associera plus aux vêtements, avec mes vêtements, on m'associera plus au genre masculin. Puis, comment est-ce qu'on se sent avant de... Quand on les porte, j'imagine que vous les portiez déjà à l'intérieur, à la maison, mais juste avant de mettre la main sur la poignée, là, pour sortir, comment on se sent? Eh, mon Dieu, c'est une jouissance, puis en même temps, c'est comment je pourrais dire? Ben non, c'est parce que là, tu sors, tu dis, hey, je suis moi. Mais en même temps, mais c'est comme une très, très insécurisant parce que tu dis, hey, vont-tu me reconnaître? Vont-tu voir, j'étais un homme en arrière de, tu sais, c'est. Il y a la crainte. C'est ça, la crainte. Le rejet, Le rejet, parce que le rejet fait partie de nos vies. Nous autres, les trans, on est rejetés puis on est jugés n'importe où. Alors, c'est vraiment, là, c'est ça. C'est comme une jouissance. Tu dis, enfin, tu fais vivre celle qui est à l'intérieur de toi. Tu la mets à jour. Mm-hmm. Puis en même temps, mais là, c'est très insécurisant parce que tu dis, bon, ben, ils vont tous s'apercevoir que j'étais un homme. Alors, c'est mille et une questions dans ta tête. Et puis là, j'imagine qu'on regarde par tous les autres. Oui, mais ben, c'est ça. À force de regarder tout le temps autour de nous, ben, c'est nous autres là, qu'on attire les regards. On ne veut pas. C'est pas nécessairement que les gens auraient porté attention ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est parce pas que là. Je me rappelle une fois, j'étais sorti au restaurant avec une de mes amies, puis le serveur, il me demande où. Qu'est-ce qu'on peut vous servir pour vous, mesdames? Puis là, quand le serveur est reparti après, ma chum a dit, ah, si, il t'a appelé madame. Je lui ai dit, ben, Eh oui, c'est la nouvelle réalité, c'est comme ça. Mais c'est autant un choc pour tes amis, tes connaissances, que pour toi, mais c'est naturel. Tu t'en fais même plus de cas. C'est vraiment, les premières journées, c'est vraiment merveilleux. Puis, Daniel, toi? Mais moi, c'était relativement différent parce que déjà, avant de commencer ma transition, je passais souvent déjà pour une fille. Mm-hmm. C'est comme, en commençant ma transition, des fois, j'ai l'air plus travesti parce que tu sais pas te maquiller comme du monde. Tu t'habilles vraiment pas. Tu sais, toi, t'as appris à te maquiller puis à t'habiller de très jeune âge. Ta mère était là pour t'aider. C'est sûr qu'on a deux styles différents, ma mère et moi, là. Mais tes amis, ouais, c'est ça. Je regardais, puis moi, je m'intéressais à la mode. Puis oui, je comprends. Tandis que nous autres, faut qu'on apprenne rapidement. Mais ça, c'est de quoi que j'ai remarqué aussi. On dirait que quand on décide de s'afficher en tant que vraie personne qu'on est, il y en a qui vont dans le rose, rose bonbon. L'exagération. J'ai fait ça déjà aussi. Ouais. Parce que c'est ça, je me rappelle une anecdote qu'une, elle me disait, les drag queens, ils m'ont toujours dit d'en mettre plus. Excuse-moi, mais t'es pas une drag queen, t'es une femme. Tandis qu'une femme, faut qu'elle se fonde dans la société. J'ai eu une période, j'ai eu une fois qu'une de mes amies me rappelait que j'étais arrivé chez elle, j'avais l'air d'un popsicle rose. Parce que j'avais trois tons de rose sur moi, tu sais, genre le top, la jupe, puis les souliers, tu sais. Puis j'ai eu une phase que je voulais pas prendre de rose, je voulais pas de paillettes, je voulais pas de talons aiguilles ou de rouge à lèvres rouge pétant parce que ça faisait travesti ou prostituée. Mm-hmm. Pour moi, c'était comme mon préjugé de ce moment-là. Puis ça évolue à un moment donné. Ça évolue. Puis aussi, un temps que je m'habillais 15 ans plus vieille que mon âge au moins. Maintenant, ça paraît plus, là. Tu sais, il y a 15 ans, là, 20 ans. Les femmes de 20 ans puis les femmes de 40 ans, elles s'habillaient pas de la même façon. Mm-hmm. Maintenant, c'est les femmes de 60 ans s'habillent des fois comme les femmes de 20 ans. Ouais. Tu sais, ça j'ai évolué dans ma manière puis de m'habiller. Il faut que tu dises aussi, c'est un état d'âme. Hein? Ouais. C'est maintenant on n'a plus besoin de se maquiller puis de comment je pourrais dire, comme se déguiser pour être une femme. Tu sais, c'est notre état d'âme, c'est l'âme que tu ressens. Fait que aujourd'hui, j'ai plus besoin de mettre deux pouces de make-up dans. Non, mais c'est ça. Comme je disais, c'est là où est-ce que moi j'ai remarqué. On dirait que puis j'en ai vu, admettons qu'on prend Michel Blanc qu'on voit partout sur les médias sociaux, entre autres. Où est-ce qu'elle a été militaire? Puis après ça, mais là, c'est comme on dirait qu'il est dans son Michel cas. Michel Montreuil, tu veux dire? Michel Blanc, je crois aussi. Michel Blanc était militaire aussi. Elle a été dans le. En tout cas, je me mets une tête avec Michel Montreuil, mais sinon. Vraiment d'aller dans le côté plus masculin. Mm-hmm. Le côté hyper masculin dans la construction. C'est fréquent. Puis après ça, ils s'en allent dans un côté hyper féminin. On dirait ils jouent un rôle masculin pour pas être une femme. Pour prouver tellement qu'ils sont masculins. C'est ça. C'est ça? Ouais. Tu joues un rôle jusqu'à temps que tu l'acceptes qui t'es, tu sais. Mais tu sais, pour poursuivre avec la question que tu me disais tantôt, quand je sortais dehors au début. Ouais. C'était surtout le monde qui me connaissait, ça me faisait peur. Tu sais? Mais autrement, si je me faisais regarder, j'ai l'impression qu'il me regardait. Bon, j'ai-tu quelque chose que j'ai tout croche, tu sais? J'ai-tu un sein croche parce que, tu sais, on avait des faux seins dans le temps, tu sais? J'ai-tu un sein croche mal placé à pas à bonne hauteur? Je sais pas, tu sais? Mais ça, c'est typiquement féminin, là. Ouais, j'ai-tu de quoi dans la face de pas correct? Quand j'avais à dire à quelqu'un, là, oui, au début, j'avais les jambes qui tremblaient, tu sais? Ma mère, c'est la première personne que je peux dire que je l'ai dit. À l'accepter. Tu sais, elle a vécu deux coming out avec moi, là, que j'étais gay en premier, puis après ça, finalement, j'étais pas gay, je suis trans, là, tu sais. Puis elle a accepté, malgré qu'avant, elle avait dit, si t'es gay, je te renie. Ouais. Fait que ça a bien passé. Mon père, je l'ai dit un peu plus tard, parce que lui, il est né sur une ferme, là, tu sais. Ça a été un peu plus dur. Le côté plus traditionnel, c'est il ça. Était implanté, là. Mon frère, je peux te dire ça en nombre, que c'est un match autre cul. Tout est bizarre. Mon frère, là, c'est la ferme. Tout est bizarre. Mon frère était aussi sur la ferme. Il est devenu tracker puis tout ça. Pour lui, j'étais un gars, puis je vais toujours rester un gars. Je vais pas faire partie des fêtes de famille quand il est là. Je vais pas venir la même journée parce que même qu'il me parle pas, qu'il me regarde, la façon qu'il me regarde, là, c'est comme s'il me lancerait des mitraillettes. Tu sais? Je suis répugnant. On sent l'intimidation quelque part. Puis ma sœur, elle est évangéliste pentecôtiste. évangéliste pentecôtiste, c'est pas l'ancien, la nouvelle génération qui est ouverte. Ben, j'en connais, là. Mais l'ancienne génération que tu peux pas avoir un crucifix sur le mur. Moi, pour elle, là, je suis le diable. OK. Que j'ai coupé les ponts avec elle aussi. Mais j'ai eu un peu ma revanche. Son fils est gay maintenant. Très clairement. Ma marraine, ben, ça s'est tassé. J'étais super proche quand j'étais jeune. Puis elle s'est tassée quand j'ai eu mes coming out. Puis là, ben, sa petite fille est lesbienne. Fait que, tu sais, puis des amis, ben, je n'avais pas d'amis au secondaire. Mm-hmm. Tu sais, fait que je n'avais pas suivi. Des amis, je les ai faits en arrivant en ville, là. Fait que ça n'a pas été... C'était présenté papier aussi. À chaque fois que j'avais présenté papier, c'était stressant parce que j'ai l'apparence féminine, mais mes papiers étaient de sexe masculin. Mais ça, les papiers, ça a changé, là. Oui. Si je ne me trompe pas, depuis le 1er octobre? Oui, depuis le 1er octobre, on peut avoir le changement de sexe et papiers sans avoir eu l'opération. Mm-hmm. Assez quand même rapidement et facilement. Parce qu'avant, tu étais obligé d'avoir la vaginoplastie, la construction du vagin pour les filles, ou l'hystérectomie et la mastectomie pour les gars, se faire enlever les seins puis se faire enlever tout l'intérieur reproductif. Mais là, c'est plus nécessaire. Et bon, 1er octobre, deux choses qui n'étaient pas réglées, c'était pour les enfants trans, qui a été réglé en juin, que les enfants en bas de 14 ans avec le parent, ils peuvent faire la demande. En haut de 14 ans, ils peuvent le faire tout seuls. Il reste encore les immigrants et les réfugiés à régler. Oui, parce qu'il y a certains pays où est-ce que c'est pas accepté. Si c'est parce que tu es en danger chez vous, peut-être. C'est ça. Tu déménages ici pour être en sécurité. Là, ça vient prendre en compte aussi le fait, le changement de sexe, tout ça, que si tu veux changer de sexe dans ton pays puis que c'est pas accepté... Puis les parents trans aussi. Les parents trans qui ont des enfants, là, sur le papier, est écrit « père Stéphanie ». Tu sais, « père Stéphanie », ça met... Ça fait le coming out du parent. Et tu es l'enfant d'un trans. On va peut-être t'écœurer, là, justement. C'est sûr. J'ai une amie qui vient des Bahamas que j'ai aidé à faire venir au Québec. Elle est partie parce qu'elle était en danger de mort. Elle se faisait harceler au bout. Puis sa petite fille, finalement, est venue ici parce qu'elle se faisait harceler parce que sa grand-mère était une trans. Tu sais? Il y a de l'évolution à avoir. Hein? Ouais. Oui, beaucoup. Au niveau travail? Au niveau travail, moi, je travaillais à mon compte. Donc, je n'avais pas présenté mes papiers. Donc, ça se passait bien. Ça se passait bien. Oui, ça se passait bien. Dans ce temps-là, c'est sûr et certain que le temps de la transition, le temps de... S'il y a, peu importe, l'opération ou quoi que ce soit, là, peu importe, quand on est autonome, ça passe un petit peu plus comme dans le beurre, puis on se présente comme étant Daniel Leu. Que ça passe bien, mais sinon, dans le monde hospitalier, on en a parlé un petit peu tantôt. Ben moi, c'est sûr qu'au début, j'ai eu un peu de misère quand j'ai été changé d'unité. Mais après quelques mois, ça s'est réglé. Tout le monde connaît ma situation, les collègues de travail. Mais il a quand même fallu un burn-out. Justement, un burn-out pour que je parte, puis que je revienne, qu'on mette les points CI, puis les barres CT avec mes boss. Puis qu'ils comprennent que, gars, je suis pas parce que je suis trans que je suis différente des autres. Là, je suis tout simplement que c'est... Je suis une personne, je suis là pour travailler, je suis là pour le bien-être des enfants. Alors, et je suis là, moi je suis capable, je vous respecte en tant que femme, mais respecte-moi en tant que femme aussi, tout simplement. Oui. T'sais, moi je suis là pour gagner ma vie, point à la ligne. Et puis dernièrement, il y a eu une anecdote parce que j'ai passé à l'émission Je suis trans 2 minutes seulement. deux minutes, puis tout le monde l'a remarqué. Alors, avec 4-5 rediffusions. Oui. Alors, je suis passé devant des parents, puis là, ils ont dit, c'est elle qui a passé la TV. Fait que l'infirmière est allée dire, elle dit, oui, c'est elle, point à la ligne. En voulant dire, on est ici pour travailler, on n'est pas ici pour étaler nos vies. Ça a été vraiment une belle réponse. Je suis allé la remercier après avoir dit merci. C'est gentil. Mais c'est sûr qu'au début, j'ai eu un peu de misère. Mais maintenant, ça va super bien, puis je pense que tout le monde m'aime beaucoup. Ah, mais c'est super, ça. Ouais. Moi, je reste dans une coopérative de 95 logements. Ouais. Et dont 25 % au moins est de culture musulmane. Donc, les premières années, ils ne savaient pas qui j'étais, ils ne savaient pas mon histoire. Mais ceux qui m'ont vu à la télévision l'ont dit aux autres. Ouais, fait que hein? Les femmes sont très gentilles, mais les hommes sont distants. OK. Ils sont distants avec les femmes de toute façon, mais encore plus avec moi. Avec toi, oui. Oh, oui, mais ça se passe bien. Autant qu'ils sont respectueux et qu'il n'y a pas d'intimidation. Justement, c'est ça l'important. L'intimidation, à ce niveau-là, il y en a... quand on parle, en général, j'en doute même pas qu'il y en a encore. Parce que j'ai entendu aussi comme quoi qu'il y a un taux de suicide aussi, ou de tentative de suicide élevé. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis si on parle de la population en général, qu'est-ce qu'on peut faire? En parler? En fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a un gros taux de suicide? C'est les préjugés. Il faut accepter, ne pas juger. Si tu veux savoir quelque chose, demande-lui discrètement. C'est comment tu veux que je t'appelle? C'est quoi ton nom? Tu sais, mettons, tu t'en vas au CLSC. La femme du CLSC, là, qui a dit discrètement, elle voit une fille ou une personne qui a l'air d'un gars-fille. Mm-hmm. Comment tu veux que je t'appelle? Tu sais? Parce que moi, avant que mes papiers soient changés. Aussi de la demander. Avant que mes papiers soient changés, j'attendais à la dernière minute quand j'étais malade pour aller à l'hôpital ou à la clinique. Oui. Dernière minute. C'était la dernière fois que c'est arrivé, j'étais malade comme une chienne. Puis là, la salle était bondée. Puis mon nom est changé depuis 10 ans. Mm-hmm. Mais mon sexe n'était pas changé. C'est ça, c'était pas encore légal. Fait qu'il était, l'autre a appelé Monsieur Daniel Chénier, s'il vous plaît. Fait que là, devant tout le monde, je me lève. Mm. Je sors du médecin après ça. Je m'en vais à la pharmacie qui est à la même place. Mm-hmm. Ben, c'est pas vous, ça. C'est un monsieur. Je dis, non, c'est moi, je suis trans. C'est toujours d'avoir. Il y en a qui manquent de délicatesse, qu'on peut voir. Ben, mais il y en a aussi. C'est le manque de compréhension, de connaissance. Oui, mais c'est ça. Puis il y en a aussi qui sont gênés, qui font à peu près comme moi, là, qui marchent sur des œufs. Puis, mais là, vous m'avez mis super à l'aise, là. Mais dans le sens où est-ce que... Puis ça, peu importe que ce soit... aussitôt qu'il y a une personne qui est différente au niveau de la façon de vivre, du mode de vie, tout ça, pas un en particulier, là, pas rien de particulier, on dirait qu'on sait pas comment... tu sais, est-ce que j'ai le droit si... Tu sais, tu viens de me dire, quand on voit qu'il y a une apparence un peu féminine, on peut se dire, est-ce que tu veux qu'on t'appelle madame? Comment tu veux qu'on t'appelle? Mais juste de demander, ça demande du courage. T'essayes aussi des fois d'avoir un... C'est dur, mais ça s'apprend, là. D'avoir un langage neutre. T'es une belle personne. Mm-hmm. T'es une personne gentille. Mm-hmm. C'est pas t'es une belle fille ou quelque chose. C'est comme plus t'attends que la personne, c'est ça. C'est dur, mais ça se fait. Ça s'apprend. C'est ça, moi, j'allais fait, pas au restaurant. C'est intimidant, là, de mon côté, par exemple. Comment est-ce que... Tu sais, je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde. Puis c'est là où est-ce qu'on marche sur des œufs, on est maladroit. Puis là, ben, ce qui arrive, ben là, il y a le malentendu qui peut arriver. Puis là, ben là, ça part. Ça peut être ça aussi, là. Ça, simplement demander. Demander discrètement. Comment tu veux que je t'appelle? C'est quoi ton prénom? Si la personne dit Stéphanie ou Marie-Soleil, ben on sait que c'est elle, tu sais. Elle dira pas son ancien nom, là. Je m'appelle Roger. C'est... Avec la petite voix. Oui, tu sais. Puis, ben, tu poses pas des questions indiscrètes. Ouais. Ça marche, je pense, avec tout le monde, là. D'être la discrétion à un moment donné, là. C'est dur de trouver un travail pour une personne que ses papiers sont pas finis, sont pas changés. C'est dur. Puis que t'as l'apparence qui concorde pas nécessairement. T'sais, c'est pas parce que tu fais une transition que tu vas avoir l'air nécessairement de ce que tu vas avoir l'air d'une femme, là, nécessairement. Tu peux mesurer 6 pieds 3, avoir encore un ombre dans le visage, tu peux avoir des grosses mains. Mm-hmm. Tout se règle pas avec des chirurgies, là. Puis ça veut pas dire que la démarche non plus peut avoir l'air ça prend du temps des féminine, fois. Là, c'est ça. Puis j'ai vu aussi qu'il y en a qui vont aider dans différents reportages. J'ai vu qu'il y avait des stylistes là, qui aidaient aussi là, à la démarche au niveau de l'apparence, tout ça. On n'a pas beaucoup, OK. On n'a pas vraiment. Non, il n'y en a pas beaucoup. À Québec, non, il n'y en a pas beaucoup. Au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est ça. Ben, d'après moi, la seule que j'ai vue était dans le reportage. Ça doit être à peu près la seule personne. Comment les jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut voir ça? Parce que vous faites partie. T'sais, vous autres, vous êtes rendus à un niveau où est-ce que, comment je peux dire, bon, à 50 ans, tout ça, c'est pas d'aujourd'hui que ça a été fait non plus, la transition. Les jeunes aujourd'hui, qu'on parle, les ados, parce que il y a une espèce d'explosion là, d'identité. Comment vous voyez ça pour l'avenir? Moi, je me dis que ben, ça, les médias ont beaucoup aidé. Mm-hmm. Mais pour moi, je me dis que c'est important d'avoir un bon suivi pour ces jeunes-là, parce que des fois, ça peut être un malaise intérieur qui n'est pas nécessairement de la transsexualité ou de la transidentité. Ça fait partie des questions. Oui. C'est est-ce que des fois, on va trop jeune? Puis non. Qu'à un moment donné, les jeunes, ben gars, finalement, je pensais que j'étais une fille, puis ben j'ai changé. On a des spécialistes pour les jeunes aussi, là. Oui. C'est ça. Puis, tu sais, avant l'âge de 13-14 ans, tu ne prends pas d'hormones. Tu prends un bloqueur. Un bloqueur, ça te met sur pause. Mm-hmm. C'est pas dangereux. Tu arrêtes le bloqueur, puis ta croissance reprend. Le bloqueur, il t'aide que tes poils poussent pas pour une fille trans, que ta mâchoire ne devient pas carrée, que ta voix ne devienne pas grave. C'est des affaires qui sont impossibles ou presque à faire si ton physique a changé. Pour les filles, pour les gars trans, pour pas avoir de menstruation, que les seins ne poussent pas. Ça, c'est une pause simplement. Mm-hmm. Puis à 14 ans, ben, les hormones. Mm-hmm. C'est toujours possible de revenir en arrière avant les chirurgies. Ouais, ça existe-tu? Il y en a qui reviennent en arrière. Il y en a qui ça arrive à l'occasion, mais c'est pas fréquent. C'est pas fréquent, c'est non. Ça. Mais donc, le cheminement, il est déjà fait. Là, ouais. Puis, je pense que le meilleur, c'est pas se retenir puis se refermer dans sa bulle. C'est aller chercher de l'aide. C'est vraiment important quand t'es jeune. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités d'avoir d'aide. Allez-y, le gênez-vous pas. Puis je pense que la première chose, c'est parler avec vos parents. Ouais. C'est important, oui. On pourrait donner quel conseil à quelqu'un qui réfléchit à ça, puis que peut-être qu'on peut l'aider, puis qui n'a pas fait son coming out. Ben oui. Ben, d'avoir une personne pilier à qui peuvent parler, qui peuvent se confier, qui ne changera pas, qui ne reviendra pas de bord, là. Puis avant de pouvoir parler aux autres, là, mm-hmm. avoir une personne que tu t'assures que tu peux compter dessus. Puis, c'est à Québec, il n'y a presque pas de spécialistes. Ils sont surtout à Montréal. Mais sinon, à Québec, on a... Il y a la TQ. Il y a un groupe de soutien à toutes les deux semaines. Ouais. Il y a un groupe de soutien aussi pour les parents et proches, qui est à tous les mois. Donc, il y a une ligne aussi. Il y a un 855-909-9038, poste 3. Poste 3. Je vais mettre toutes les informations sur ma page Facebook, c'est sûr et certain. Nous, on arrive vers la fin de l'entrevue. Ça a passé trop vite. Faudrait que reçoive encore. Ça a passé vite, hein? Oui. On prend un goût à la radio. Faut vraiment pas oublier que ça se fait pas en 10 ans pinote, la transition, là. Non. Faut voir pour aller jusqu'à l'opération, faut voir deux spécialistes, psychologues, sexologues, psychiatres. Ouais. Avoir deux lettres, autrement dit, une lettre de son médecin comme quoi t'es en santé, une lettre de ton endocrinologue comme quoi t'es ses hormones. Mm-hmm. Puis après ça, que la RAMQ t'accepte. Puis ça, c'est pas gratuit, ces spécialistes-là. Donc, c'est bien beau que l'opération, t'as payé, mais les spécialistes, t'es payé. L'électrolyse, si t'en as à faire, t'as payé. Les seins, si t'as à les faire faire, t'es payé. Si t'as besoin d'avoir des chirurgies, visage, n'importe quoi, t'es payé. Ouais. Donc, ça peut coûter plus cher que l'opération en elle-même. Donc, c'est à 99,999%, là, c'est pas un caprice. Si tu lâches en cours de route, il y a peut-être une raison aussi. Si tu revires de bord, des fois c'est la pression. C'est trop difficile de vivre la pression. Ouais. C'est trop difficile de trouver des fois un travail pour certaines. Ouais, aussi. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Mesdames, je vous le dis, mesdames, parce que vous êtes belles. Puis merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Je vais toutes mettre les informations sur la page Facebook de Différents. Vous pouvez la trouver avec c'est Différents avec un S, puis sur la photo d'accueil, c'est un cœur avec plein de bonjour, de bienvenue en plein de langues. Donc vous pouvez pas manquer. Oui, c'est cute. On aime ça de même. Mais je vais mettre toutes les informations là-dessus. les coordonnées de l'ATQ, parce que c'est quand même depuis 1980, ouais, j'imagine, ouais. Si on appelle ça. On peut aussi aller sur le site ATQ1980.org. Mm-hmm. Donc, moi, de mon côté, je vous remercie. Et puis, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que j'ai ouvert des yeux. J'espère avoir enlevé un petit peu de préjugés pour que vous puissiez poser des questions, que vous puissiez, si vous voyez quelqu'un qui est en période de transition, qui commence, ou quelqu'un qui a envie de vous parler de sa situation. J'espère que je vous ai assez ouvert les yeux et les oreilles pour que vous ayez le cœur d'écouter puis de regarder. Ça, j'espère avoir fait ça. Et puis, sinon, ben moi, je vous souhaite une belle semaine de différent. Faites quelque chose de différent. Soyez respectueux, enlevez les préjugés, enlevez l'intimidation, mais soyez différent, puis ça va bien aller. Bye-bye. Bye. Bye.